Aujourd'hui, nous recevons Julie Deschamps, sociologue, pour parler de l'alimentation des Français. Bonjour. Bonjour. Les habitudes alimentaires des Français ont-elles changé ? Oui, elles évoluent. Aujourd'hui, on ne mange plus comme à l'époque de nos grands-parents. Par exemple, avant, on mangeait beaucoup plus de pain et moins de viande. On consommait aussi plus de produits frais. Aujourd'hui, les Français achètent beaucoup de plats préparés. Et comment expliquez-vous ces changements ? Eh bien, disons que nos habitudes alimentaires sont en partie liées à l'évolution du niveau de vie et à l'industrialisation de certains produits. Quand nos grands-parents étaient petits, ils mangeaient plus de pain. Les aliments pour faire le pain sont basiques, on les trouvait assez facilement et ce n'était pas trop cher. À cette époque-là, la viande était un aliment très rare et donc très cher. Quand ma grand-mère préparait de la dinde, c'était un événement. Aujourd'hui, quand on prépare de la dinde, on ne fait rien d'exceptionnel, car c'est un produit de consommation banale à cause de sa production industrielle. Mais la viande reste un produit cher et en moyenne, dans les pays industrialisés, on consomme 76 kg par habitant contre 41,8 kg par habitant dans le monde.